loi dite de modernisation de la justice du XXIe siècle. La récente loi dite de modernisation de la justice du XXIe siècle prévoit que la justice familiale du XXIe siècle se fera sans juge. Les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel se feront représenter chacun par un avocat et ne passeront plus devant le juge. Sont mises en place des expérimentations de médiation préalable obligatoire en matière familiale. Exemple, la fixation de pensions alimentaires pour les couples non mariés séparés et devant le juge administratif. Le délai pour les déclarations de naissance en mairie est allongé. Les parents disposent de 5 jours au lieu de 3 aujourd'hui. L'enregistrement du pacte civil de solidarité et le changement de prénom se font directement en mairie et non plus en tribunal. Le plan de surendettement est applicable immédiatement sans que les particuliers n'aient à passer devant un juge. À noter aussi une forfaitisation de certains délits routiers tels que le défaut de permis de conduire ou de défaut d'assurance. Les modes alternatifs de règlement des conflits sont favorisés. Ainsi, une conciliation gratuite préalable sera systématiquement tentée pour les litiges de moins de 4 000 euros. La loi comporte également un important volet sur l'action de groupe. Elle crée en particulier une action de groupe en matière environnementale, en matière de données personnelles et en matière de discrimination. Ces actions seront pilotées par des associations agréées. Enfin, cette loi transfère l'ensemble du contentieux de la sécurité sociale au tribunal de grande instance, sauf pour la tarification des accidents du travail, qui est confiée à une cour d'appel spécialisée. Des ordonnances seront prises dans les 18 mois pour mettre en œuvre cette réforme du contentieux de la sécurité sociale.